Hello. Hello, bah, bonsoir. Bonsoir Marcus. Bonsoir les auditeurs de RGM. Et on a même un spécial guest avec nous ce soir. Oui. Francis, c'est la deuxième fois qu'il vient ici. La première fois qu'il te rencontre. Oui. Bonsoir Francis. Bonsoir. Car tu n'es pas toujours là. Attends, c'est ce qui me semblait. Non, mais on est bon cette année. Ah, ouais, ouais, parce ouais, que ouais, moi, ouais, je suis souvent pas là, mais là, ça fait un moment que je suis bah, là. Moi aussi. Quoi. Hein. Bah, ouais. Ah, on est vraiment bon quand même. Voilà, donc on va se refaire une petite jukebox of the 50s. Là. C'est, non, plus 50s d'ailleurs, jukebox tout jukebox court. Tout court. Jukebox tout court. Ouais, ouais, 50s, ouais. 60s, 70s, 80s, enfin tout ce qu'on veut quoi. Ouais, on passe quand même pas mal de vieux trucs, mais il ne faut pas exagérer. On passe quand même beaucoup ouais, de vieilles choses, parce que nous-mêmes, on est un peu vieux. Eh ben, ça ne va pas être que du vieux, ça va être... Puis si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à nous appeler, hein, 03 29 62 40 40. Voilà, voilà. Voilà. Si ça leur plaît aussi. Ah, si ça leur plaît, si ils ont le droit de le aussi dire, ça nous ferait plaisir. Bon, moi j'attaque avec Tichino Rosa, j'ai profité que tu n'étais pas là, j'ai, hop, ouais, j'ai mis vas-y, un vas-y, disque. Vas-y, vas-y, Tichino Rosa, c'est un rapport avec Tichino Rossi. Non, je... comment je viens? C'est la consternation dans le studio. Tu vas avoir du mal à tenir deux heures. Hein. Bon, oui, bien sûr. Enfin, elle est un peu née au Texas, quoi. C'est pas ouais, tout ouais, à ouais, fait. Ouais. De... C'est une fille d'immigrés mexicains. Faudrait dire à l'autre tartichon là qui gouverne, enfin qui fait semblant de gouverner ou qui gouverne d'ailleurs là-bas que il y a quand même des perles. Hein. Mais oui, il y en a bon, plein. Donc, fille d'immigrés mexicains et qui fait un folk hispano-américain. Elle chante souvent donc en espagnol, mais elle fait aussi des chansons où il y a une phrase en espagnol, puis après elle la reprend en anglais. Voilà. Et elle appelle sa musique de la musique de frontière. C'est assez joli. Bah, le disque s'appelle Fronteras. Front d'ailleurs, terrasse. Front terrasse. Non, c'est pas le front de la terrasse. Non, non, non. Non, ça y est. Ça... J'en ai fait une. C'est pas la peine d'assister. Partout, la balle au centre. Bon, j'ai choisi un morceau qui s'appelle Malaya la Cochina. On en voit. Que los hombres, porque los hombres, cuando se sienten queridos, caramba, no corresponden. Porque los hombres, porque los hombres, cuando se sienten queridos, caramba, no corresponden. ¡Órale! Que le dan el picotazo, luego el brinquito. Yo los maldigo, desde que traigo en el alma caramba, desde no digo. Yo los maldigo, desde que traigo en el alma caramba, desde no digo. No corresponden, porque los hombres, porque los hombres, cuando se sienten queridos, caramba, no corresponden. Thank you. Voilà, voilà. Alors, on a démarré avec un jeu de mots. Et en fait, tu avais parfaitement raison d'attaquer avec un jeu de mots. Parce que le titre du disque, qui est Fronteras avec une rota, eh ben, on a vérifié. Hein. Merci, Francis. Toujours à faire le... Front, donc, contre. Alors, Fronteras, c'est un jeu de mots probablement avec le terme Fronteras, qui est la frontière. Et Terras, avec une rota, qui signifie Texas. Dans la langue originelle, d'où vient ce nom ? Des Indiens de là-bas. Voilà. Oh, bah, dis donc. Bon, bah, dis donc, voilà, on est vachement plus savant. Ouais, ça, c'est bien quand même. Hein. Eh bien, on va rester dans les contrées espagnoles de l'Amérique en général, Amérique du Sud, Amérique du Nord, avec Eliades Ochoa et Compay Segundo. Donc, voilà. C'est un morceau très classique, très. Très connu, très entendu, Chan Chan, qui est presque du folklore traditionnel, tellement il a été joué et rejoué par différents interprètes. Llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Cueto, voy para Mayarí. Llego a Cueto, voy para Mayarí. El cariño que te tengo no me lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. En el mar cernía arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paja que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Llego a Cueto, voy para Mayarí. sympa ce petit final. Ah, c'est, ouais, c'est, ouais, ouais. C'est une autre petite version. Mais que... oui, mais oui, un morceau qu'on a souvent entendu, mais voilà. Qu'on a toujours plaisir à entendre. Ça fait du bien. Bon, voilà. Oui, excellent. Alors, c'est toi qui enchaînes, Marcus, si j'ai bien compris. Ouais, bah, écoute, je me suis pas trop fatigué. Il y a 15 jours, la dernière émission, je vous avais passé un petit groupe que vous aviez semblé apprécier. Alors, tant qu'à faire, je vais en remettre un. C'est toujours ce fameux groupe belge Kermes. Alors cette fois-ci, c'est un peu plus rythmé, c'est Eggs and Bugs and Rock and Roll. His embryonic cheeks are with little fates. A shaky hand grabbed the deadly pan. The rotten button, it's a tight and juicy web. Eggs and bugs and kitchen mold. An instant crushing sword takes to crack the shell. But amidst the haze of noon, the creepy scroll and gather for the beast. The frosty mist of memories drown my liver in dismay. Eggs and bugs and kitchen mold. In a burning yoke, as my mouth rejects my brood nostalgia. Eggs and bugs and kitchen mold. Ça doit être génial à cheval, ça. Oui, oui, faut être à cheval. Hein. On n'a pas emporté nos chevaux. Non. Oui, je vais vous faire écouter là un morceau d'un disque de Catherine Lara qui, maintenant, comme elle a perdu un peu sa voix, se met, c'est très bien, encore plus sur son violon. Et ce disque-là, et plus encore le morceau en question, se rapporte à une mer qui meurt, non pas à une dame, mais à une mer, un océan. Océanique. Enfin, c'est pas tout à fait un océan, mais c'est une petite mer, la mer d'Aral, au milieu de l'Asie centrale, qui a perdu toute son eau du fait des drainages et des captages pour les cultures de coton, etc. Et donc là, c'est le requiem pour une mer mourante. Mais ça a quand même de la gueule. C'est excellent. Ah ouais, c'est bien. Ouais. C'est bien, c'est bien. Alors on va rester dans l'Est, mais un peu plus près de chez nous, avec Peter Rowan qui lui est un bon Américain, vous allez comprendre. Donc Peter Rowan qui est né en 42 à Boston, qui est, il a fait ses débuts dans les Bluegrass Boys de Bill Monroe. Et Bill Monroe disait que c'était son semblable, voilà. pour la petite histoire. Mais là, en l'occurrence, il joue avec les Druha Trava. Donc, s'il y a des Tchèques qui m'écoutent, ils m'excuseront pour la prononciation. C'est un groupe de bluegrass tchèque. Et en fait, en République tchèque, Tchécoslovaquie à l'époque, le bluegrass a eu vraiment beaucoup d'importance dans les milieux étudiants lors du printemps de Prague. Et il est où toujours... l'Amérique était symbole de liberté dans les années 70. Oui, il y a toujours une scène importante de bluegrass en Tchécoslovaquie, puisque ça doit être le deuxième plus grand festival d'Europe j'ai un trou. La Suisse ? Non, après celui de France, là, à côté de Genève. Ah, Craponne ? Non, bah, Craponne, c'est pas que de bluegrass. Oh, ça me revient, j'y étais cet été. Ah, ben, en Haute-Savoie, pas loin de Genève, La Roche-sur-Foron. La Roche-sur-Foron, voilà, le festival. Oui, c'était un tout. Moi, j'y suis allé dans les tout premiers. C'est devenu plus important. C'est le plus important festival d'Europe, et ensuite, c'est en Tchécoslovaquie. Ouais. En République tchèque, non ? République tchèque, pardon. Ils sont tous. La mode est à la séparation. Ça bouge, hein, ça bouge beaucoup. Donc vous allez entendre un classique, hein, Moonlight Midnight, qui dure quand même 5 bonnes minutes. Hein, donc voilà. À vos oreilles! San Antonio, beg, steal, or borrow two nickels or a dime. Call me on the phone. I will meet you at Alamo Mission. We can say our prayers. The Holy Ghost and the Virgin Mother will heal. In the moonlight, in the midnight, in the moonlight.

Waouh, ça déchire, hein. Ah, ça fait du bien, hein. Alors, c'est toi qui enchaînes, Marcus, ou bien... vu que vous avez l'air très motivés tous, bah oui, du coup, je vais enchaîner. Parce que moi, j'ai amené le CD, le morceau là que tu viens de passer, je l'ai sur le CD que j'ai amené. En fait, elle avait amené le CD, on a cherché la c'est version. C'est rigolo. Il n'y a pas de problème, on l'a, c'est l'essentiel. Moi, je repars avec G Love and Special Sauce. Je vous en passe de temps en temps, parce que vraiment, c'est quelqu'un que j'adore, lui. Bah, on est là pour se faire plaisir. Bon, c'est quand même un de ses premiers albums, hein. Je ne sais plus de quand il date, enfin, bref, fin des années 90. Mais il a vraiment son truc. Bon, il est quand même bien typé blues. Voilà, c'est j'adore parti. J'adore le blues. Jusqu'à la dernière note. Ouais, bah oui, hein. C'est bien, c'est sympa ça. Alors oui, c'est G Love and Special Sauce. Ouais. Tout ça sans l'accent, évidemment. Avec l'accent. Sans. Avec l'accent. Avec l'accent. Bah, c'est moi qui continue. Oui, c'est toi. Allez. Alors moi j'ai amené un petit Greg Brown. Une fois de plus. Mais bon, j'en ai beaucoup à la maison des Greg Brown, et puis j'aime bien. Il fait partie des chanteurs qui me font un peu hérisser les poils des bras quand je les écoute. Je disais ça avec Patricia, la femme de Joe, qui est musicothérapeute, et Muriel dit « Waouh, t'as de la chance !» Apparemment, tout le monde n'est pas sensible à la musique. Tant pis pour eux. Donc Greg Brown, qui est né en 49 dans l'Iowa, qui est un chanteur qualifié de folk, mais moi que je trouve très blues, qui pratique lui le chant, la guitare et l'harmonica. Et le morceau que j'ai choisi, il y a une jolie guitare slide pratiquée par Baum Ramsey, excusez du peu. Voilà, voilà, le morceau s'appelle Speaking in Tongues. Tongues, comme les chaussures. Ouais. C'est bien. Hein. Alors nous allons changer de registre, de continent et tout cela. et passer à des morceaux dans le domaine de Duc de Courson, qui a eu comme particularité de faire du syncrétisme entre des musiques classiques européennes et des musiques de différents pays. Depuis lors, ensuite, il a été amené, par exemple, à en faire un sur Mozart l'Égyptien et sur Vivaldi en Irlande. J'en ai pensé un morceau une fois. Une fois, c'est ça. Disque que tu m'avais prêté. Qui était en fait plus mêlé. Ici, on a plus une juxtaposition. La mayonnaise n'a pas encore complètement pris, mais c'est assez curieux. Et puis celui que je vais vous présenter là maintenant a vraiment un nom qui montre aussi à quel point on a deux choses juxtaposées. Ça s'appelle Sankanda plus Lasset uns denn nicht zerteilen. Donc deux civilisations qui se retrouvent dans les mêmes morceaux. Mama, C'est bien, hein. Ouais. C'est bien. Joli mélange. C'est joli, un très mélange joli de genre. Mélange. Nous allons revenir à des temps anciens. Vous n'étiez même pas né, tu te rends compte? On bah, du temps même de Bach, on n'était pas traîné non plus. Hein. Donc, en 1930... On n'est pas traîné d'ailleurs. Ouais, ouais. Bon, on est très mauvais ce soir. Donc, on revient en 1931. Hein, 1931. Alors, c'est, oui, c'est un morceau que j'ai découvert. C'est dans une compilation qui s'appelle l'Anthologie du Jazz Vocal. Alors, il y a un premier morceau qui est de, où l'interprète est Louis Armstrong. Mm-hmm. Et le morceau suivant, j'ai pas reconnu Louis Armstrong en écoutant ces deux morceaux qui suivent. Dans les ouais. deux morceaux qui suivent. On écoute les deux, là Non, un seul. Mais, bon, on peut écouter les deux, mais ça va obliger. Oui, bah c'est bon, on commence par le premier que tu avais prévu, puis on verra après. Ouais, ouais, ouais. Et donc... Quand on est technicien, il faut être carré. Oui. Donc, on commence par le 4. L'autre, c'est le 3. Pour l'aider, là. Voilà. Donc, on commence par le 4. Et bon, ce qui est reconnaissable, c'est le scat de Louis Armstrong. Je crois que depuis Louis Armstrong et Ella Fitzgerald, il n'y a pas beaucoup de gens qui scatent comme ça, quoi. C'est très, très rare. Moi, j'ai pas entendu véritablement, j'ai dû en entendre mais ça m'a pas marqué qui scatte comme Louis Armstrong et la Fitzgerald. Donc voilà, le morceau qu'on va écouter s'appelle Lazy. Et ils chantent tous les deux ensemble? Non, Lazy River, elle était pas née. Dream a dream of me, of the lazy river where the robin's on, wakes to bright new morning as we loaf along. Blue skies up above, everyone in love, of the lazy river, how happy we will be. Mama, mama, oh, of the lazy river, of the lazy river, and the lady be dead, my long life. And the daughter be dead, but they didn't, be dead, Oh, you dog. Boy, if I ain't ripping this evening, I hope something. Oh, lady of the lazy river. River. Oh, you river. Oh, you dog. Oh, you river. Look out there, Charles Alexander. Swing out there on them irons there, boy. Oh, man. Thank you. I work at skies at sunrise, every sunset too, babe, seems to be bringing me memories of you. Now honey, here and there, everywhere, scenes that we once knew, oh, and they're all just recall memories of you, baby. How I wish I could forget those happy yesteryears that have left a rosary of tears. Rosary of tears, baby, oh Lord. Your face beams in my dreams. In spite of all I do, oh baby, everything seems to ring. Memories of you. J'ai fait des erreurs. On attend un petit peu les explications là quand même. Moi j'ai pas bien reconnu sa voix. Tout est faux, tout est faux. Tout ce que j'ai dit auparavant était faux en fait. C'est tout faux. C'était bon. C'est quand même Armstrong. Pour essayer de faire court, j'ai inversé les titres en lisant la jaquette. Et en fait c'était bien le deuxième morceau qu'on a écouté mais qui n'était pas celui qu'on a écouté. Vous suivez ? Non, pas du tout. En fait, c'était le cinquième morceau qu'on a eu. Et c'était Bing Crosby, mais vous n'avez pas entendu Bing Crosby, puisqu'on n'a entendu que Louis Armstrong. Voilà. Ah, ben ça, c'est. Donc, en fait, celui que je pense être Louis Armstrong, que nous n'avons pas écouté, si on écoute. On a voilà. Écouté, Et pour Ella Fitzgerald, c'était une blague, elle était née. Hein, oui, voilà. Bah oui, oui, quand même. Bon, passons à autre chose. Mais c'était quand même de la très bonne musique. Et c'était quand même Armstrong. Wow, on s'en sort quand même. Oh, nous allons écouter quoi ? On a dit qu'on mettrait peut-être une limite d'âge aux animateurs. Ouais, bah, pas pour moi. Il y en a d'autres à la radio. Voilà. Pouf, je reprends mon souffle. Nous écoutons. Ah, oui. Je ne sais pas, c'est Sophie. C'est moi qui ai proposé Candy Cane. Ah, Candy Cane, c'est bien. Voilà, voilà. Donc, qui est né en 61. En Californie, mais qui est décédé en 2016 à Los Angeles d'un récidive de cancer du pancréas. Voilà. Tout cela est bien joyeux. Donc c'est une chanteuse de blues, avec une voix waouh, belle et puissante. Et c'est une nana qui est elle-même assez belle et puissante d'ailleurs. Elle a démarré sa carrière comme actrice porno. Et elle défend les Big Beautiful Women. Elle défendait, elle ne défend plus rien maintenant. Donc l'album s'appelle The Taoguest Girl Alive, je ne sais absolument pas comment on prononce ça. Toughest toi-même. C'est affreux. C'est la soirée. Nous n'avons rien bu, il n'y a rien à boire d'ailleurs. Il n'y a rien à boire. On va être obligé d'appeler encore. Non mais on ferait bien de boire, ouais. On serait plus calme. Le morceau s'appelle Oudou. Who do you love? Who matter who you love. Un beau petit brin de voix, non ? Ouais, ouais, ouais. Alors, qui enchaîne derrière tout cela ? Eh ben, c'est moi. C'est toi, c'est toi. C'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Donc, extrait de l'album d'Eric Clapton paru en 2000, où il est en duo avec B.B. King. On va écouter Help the Poor. The Poor, n'importe quoi. Aidez-le, le pauvre. Oui, exactement. Help the Poor. Au secours, les auditeurs. Oui, tous les câbles. Oui, sur l'album, il y a beaucoup de morceaux assez longs. Ça va jusqu'à 8 minutes. 8 minutes 36, qui est pas mal. Hein, Pink Floyd font mieux. Oui, mais attends, pour du blues, il y a quasiment la moitié de l'album, les morceaux font plus de 6 minutes. Donc... Ouais, en même temps, B.B. King, c'est bien. Ouais, justement. c'est un bon album. Alors là, il y a une pléthore de guitares, il y a Jimmy Vaughan, Andy Fairweather Low, que je ne connais pas, Dol Brahm II, Jimmy Vaughan, Eric Clapton, B.B. King. Donc ça fait un paquet de guitaristes quand même. Mm-hmm. Voilà. Donc on peut l'écouter. On peut. C'est parti pour 5 minutes 06 et c'est le bon morceau. Mmh. help the poor. Won't you help poor me? I need help from you, baby. Need it desperately. I need your care, need all the loving, baby, you can spare. Help the poor, oh, baby, won't you help poor me? Say you will, say you will, say you'll help me on. I can't make it no longer in this world. C'était bon, un petit Rick Clapton. Hein. Trop bien, trop bien. Un petit B.B. King. Un petit B.B. King. Mm. Et là, on passe à un petit... Oku. Un petit... Oku. Oku. Alors, c'est une trouvaille que j'ai faite dans mes rayons. Oku. Dans les rayons de mes disques à la maison. Et ça s'appelle Oku, c'est un duo franco-allemand. Alors, je n'ai pas compris pourquoi c'était un duo franco-allemand. Je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas compris. Parce que ce duo est composé de Gilbert Trefsger, dont le père est suisse et la mère est égyptienne, et de Tatiana Heinz, dont le père est français et la mère est ivoirienne. Mais le duo est franco-allemand, il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, oui. En tout cas, c'est un duo qui s'est rencontré un peu par hasard dans des bars à Paris, en 2006, qui joue un peu soul, folk, pop, avec beaucoup d'influences très mêlées. Et où ils ont beaucoup échangé. Alors, ils font ça maintenant, les Jones. Ils jouaient chacun des morceaux, ils se les envoyaient par le net. Enfin, bon, bref. Ils se sont quand même rencontrés de temps en temps. Ils ont fait un album qui s'appelle Serpentine en 2009, dont je vais vous passer le morceau éponyme d'ailleurs. Et puis voilà, donc j'ai trouvé ça bien sympathique. Après, je ne sais absolument rien d'autre sur ce duo qui n'a pas sorti a priori d'autres disques et qui semble avoir disparu de la circulation, en tout cas en tant que Oku. Voilà. Walked into the blinking eye of midnight. Walked into a silver painted smile. Cloudy morning in the shade. Found a cloudy morning in the shade. From over the hills into the deep sea. So quickly days with a dim bloom. I run from the hissing of that raging storm, fire in the skin till the skin bears no bones. And I heard a thousand stories waking. Oh, I heard a thousand stories fall. So watch me ripple a sleepless river. Diamond roses, a fast fading bloom. I have seen places crumble, rise from doom. The wind has rushed down through my restless blood. Oh, the wind has rushed down through my restless blood. Alors, ah, c'est sympathique comme c'est tout. Sympa, hein, c'est sympathique comme tout. Donc voilà. Le fameux Gilbert Trefsger, là, il joue de l'oud, du banjo et de la guitare slide. Et puis bon, elle, vous aurez bien reconnu, elle chante. Mais ouais, jolie voix. Voilà, voilà. Alors, Marcus, c'est toi qui enchaînes, je crois bien. Ouais. Alors, grosse vieillerie, je ne sais pas de quand ça date, 71, un truc comme ça. Peut-être même avant. Johnny Rivers, qui a fait beaucoup de reprises et tout. Bon, pas énormément connu, mais quand même, il avait son petit succès à l'époque. Je vous passe un morceau, un classique, Cissy Rider et Got My Mojo Walking. Il parle. see, she ride. Baby, see what you have done. Yeah, you know you made me love you. Now, now, now, your man to come. Coming home at all. It's all right. I see, uh-huh, see, see, right. Baby, the moon is shining bright. I see, see, right. Wait, oh, you know the moon, I know it's shining bright. Everything I know would be all right. Oh, what I see. Voilà, Johnny Rivers, un instant, en live, s'il vous plaît. Voilà. Ouais, bien sympa comme rythme. J'aime ça. Eh bien, nous étions tout à l'heure à écouter du bluegrass tchèque, maintenant de la musique tzigane hongroise, avec des couleurs tziganes, de Kalman Balog et The Gypsy Cymbalum Band. Bon, Georges. C'était bien, bon. Oui. C'était bien bon. T'étais parti faire quoi? Eh ben, on va rester dans les musiques hongroises avec Ethnophile. Au fait, la semaine dernière, il y a 15 jours, je vous avais parlé de Mesechinka, le groupe hongrois. Bah oui. Qui était super. Bah, c'était blindé bien, au grattoir. Ouais. Ça a eu un succès fou. Ils ont vendu plein d'albums. Ah, c'est super. C'était génial. Un super concert. Voilà. Ouais, moi, j'étais claqué de chez claqué. Non, c'était vraiment super. Ce qui embêtait au grattoir, c'est que c'est très tard. Tu vois, ça démarrait une heure plus tôt. Moi, je viendrais volontiers. Ils vont revenir et puis on va essayer de les faire jouer. Démarrer à 10h du soir quand tu bosses le lendemain et que tu t'es tapé 45 heures déjà de ta semaine. Non, ils vont revenir dans le quartier. C'est vraiment bien. Ils vont revenir dans le quartier. Le groupe, là ? Ouais, ils vont. Tu vas les faire venir Ils ont un festival en Espagne, donc. Oui, c'est tout à fait le quartier, il n'y a pas de problème. Non, mais depuis la Hongrie, c'est sur la route, quoi. Hongrie, tu vois, plutôt que de descendre par la Suisse. Ouais. Ils reviendraient jouer au grattoir. Et puis de couper. Non, pas au grattoir, mais. On n'a pas encore trouvé de lieu, mais c'est à l'étude. Tu nous rediras. C'est à l'étude. Ouais. Ce sera peut-être chez Paulette. On ne sait pas, parce qu'il y a Ethnophile qui doit venir aussi, peut-être chez Paulette. Bref, c'est dans les cartons. On ira dormir chez Christian et Fred. Ou c'est chez Narcisse, si ça les intéresse. Mais bon, on verra ça plus tard. C'est plus compliqué à négocier. Oui, alors Ethnophile, le groupe hongrois, qui grimpe en flèche en ce moment en Hongrie, alors qu'ils sont longtemps restés underground. Ethnophile et c'est des Hongrois, ça va pas bien ensemble en ce moment, je suis désolé. Ben justement, parce que ils ont fait deux gros concerts, et András, le pianiste, compositeur, etc., joue avec un groupe plus rap à Budapest, et le chanteur est un Français black. D'accord. Noir, on va dire. Hein, puisque on ne sait plus si on doit dire noir, black. Peu importe. Schwartz. Schwartz. Dites-le comme vous voulez. Et ce qui dénote un peu dans la politique culturelle hongroise actuelle. C'est clair. Quoi. Et ils ont fait notamment un autre clip qui est plus cool, plus pop, sur la différence, sur tout ça, sur le respect de la différence et sur les handicaps. Il y a du boulot dans tous nos pays, mais particulièrement là-bas. C'est des bonnes gens. Et là, il s'agit d'un morceau traditionnel où il y a un tas... J'ai jamais écouté une interprétation qui ressemble à une autre. C'est-à-dire que c'est le thème. Je sais même pas si Mahala, ça veut dire... c'est un style de musique comme tango ou valse ou autre chose, mais c'est un rythme, et derrière il y a une trame mélodique qui se ressemble mais qui est différente à chaque interprète hongrois qui le fait. C'est un morceau qui est très très joué. Voilà, là on va entendre la version d'Ethnophile, donc au cours d'un concert live qui se joue dans une des plus grosses salles, petites mais grosses salles les plus importantes de Budapest. Donc, au début du morceau, comme c'est live, on va entendre peut-être les restes de la présentation du groupe. Et ensuite, le morceau... Parfait. András. off and embrace it all. I see something special coming my way. I must open myself up and embrace it all. They tell me your brew has healing powers to heal my tension and rise away my fears. They tell me your brew has healing powers to feed my tension and drive away my fears. Enfin bon, oui, oui, nous étions en train de débattre sur le CD et le vinyle. Oui, c'est ça. Quels avantages il y a avec le CD et le vinyle. Hein, bon, voilà. Le vinyle, c'est un sacré stock. Mais le vinyle, bah oui, mais le CD aussi. Tu sais, une fois que tu les empiles, les CD, ça fait du volume. Hein. Je sais pas. Bon, enfin, moi, je vais vous proposer tout à fait autre chose. C'est vrai qu'on navigue hein, pas mal ce soir. Oh, on voyage. Oh, là, on voyage. C'est une queue de tête. Ouais, ouais. Bon, je rappelle quand même qu'on est sur Radio Gémozo, hein, et puis que vous pouvez, vous nous écoutez le jeudi soir et que donc on est en direct, eh ben, vous pouvez nous contacter au 03 29 62 40 40. Alors, moi, je vais vous passer un monsieur qui s'appelle Amar Sundi, qui vient de l'oasis Biskra, dans le Hoggar, dans le Sahara algérien. Et donc, c'est un Touareg. Il a appris le blues et puis la soul dans les métros parisiens. Et puis après, il est parti un peu aux États-Unis. Ils ont tous un peu le même circuit, hein, c'est assez amusant. Donc, il a sorti un album qui s'appelle Sadaka, qui est sorti en 2009. Et le morceau s'appelle Prisoner of Misery, en Touareg, bien sûr. Three times a fool, that's what I've been. I made the same mistakes again and again. I'm just a prisoner, Lord, in captivity. And I'm just a prisoner. Every night I have the same dream. Hein, voilà. C'est bien, hein, c'est africain. Oui, un petit peu quand même, ouais, il y a un petit côté un peu, voilà. Après, ce que je disais hors antenne, c'est que je ne comprends pas vraiment, enfin, je trouve ça un peu dommage que dans un pays francophone et arabisant, ils se sentent obligés d'écrire les chansons en anglais, mais bon. Oui, mais je te répondais que comme c'est très jazzy, il faut que ça se vende à l'international, ben, donc, voilà, certainement. Que ce soit en concert ou ailleurs. Mais tu vois, il y en a qui alternent. Ouais. Kinari Ouen, ils font des chansons dans leur propre langue et ça se vend, même en berbère, en tout ce que, ça se vend très bien. Oui. Bon, il faut oser. Bon, voilà. Oser parler votre propre langue. Voilà. Mm. Voilà. Après, le bluegrass tchèque, c'est rarement en tchèque. Ouais. Bon. Ouais, le jazz, c'est souvent. Si, il y a des chanteurs, des chanteuses de jazz qui chantent en français, mais c'est presque connoté quand c'est fait. En tout cas, la guitare est excellente. Elle a un très très joli son, sa guitare. Excellent, excellent. On reste dans la guitare et on écoute Biréli Lagrène. Alors c'est un album qui date déjà de plusieurs années. Trois fois en concert, je crois bien. C'était sa période acoustique, hein, avec début des années 2000, donc ça doit être 2001, avec le Gypsy Project qui contenait. Gypsy Project, c'était Biréli Lagrène, Alzamano, j'ai jamais su le prononcer, Alzamano Lagrène, Homo Winterstein à la guitare, Diego Imbert à la contrebasse, Florent Niculescu au violon, l'excellent Florent Niculescu, le roumain, excellent, excellent. D'accord. Voilà, donc le morceau qu'on va écouter, c'est un de mes préférés de Django Reinhardt, interprété donc par Biréli Lagrène, c'est Belleville. Belleville. Et ça démarre pas. Fabuleux. C'est bien, hein? Ah oui. C'est bien. Ça, c'est du gratuit. Qu'est-ce ça. Que je peux dire, c'est bien, dans cette émission? Bah, faut dire qu'on passe quand même pas mal de bons. Puis tu nous mets plus de daube, c'est fini, ça? Mais attends, ça va revenir, je fais un stock. Non. Je fais un stock. On va faire une caisse de secours pour les gens, pour les sourds. Quoi? Caisse de secours avec tes vieux disques d'aube. Non, mais j'en ai plein, mais tout est sur... maintenant, ils n'envoient plus les CD en physique, ils les envoient en numérique. Donc, ça passera pas, hein, Marcus, ça peut pas. Hein. Avec l'ordinateur. Toi qui es un bon technicien, tu peux bien lui assurer que non, ça passera pas. Non, parce qu'il faut pédaler très très vite pour que les clés c'est USB... C'est ça, ouais, ça passera pas. Et le commute avec l'ordinateur. C'est bête, enfin, hein. Voilà, donc... Non, mais déjà, avec les CD, il a du mal. Hein. J'ai dit que je ne viendrai plus à cette émission. Oh non. Eh ben si. Oh ben non. Vous serez triste, vous ne rirez oui. plus jamais. C'est ça, on ne pourra plus rire de toi. John Butler Trio, ça vous va? Ouais. Un petit Australien. Ouais. Avec un album qui s'appelle April Uprising, sorti en 2010. Son premier album, il l'avait sorti en 2001 et ça a été tout de suite un succès fulgurant, alors que c'est un type qui, alors lui, pas du tout passé par les grandes majors. Hein. Il l'a sorti en total indépendant. Voilà, voilà. Et le morceau que j'ai choisi s'appelle Don't Wanna See Your Face. Voilà, voilà. On se régale avec encore de la guitare. C'est bien, c'est bien. Ah oui, ouais. John Butler Trio. Ouais, voilà, ouais, voilà. Ouais, ouais. Eh ben, on va écouter. T'as quelque chose, Marcus, ou ce que tu m'as donné, oui. Bon, d'accord. Alors, on va écouter une petite conférence de presse d'Eddie Lewis et Michel Petrucciani. Ah, une conférence de presse. C'est là le titre de l'album. Excellent. Qui comporte deux albums d'ailleurs. Donc, c'est la conférence de presse volume 2. Donc c'est un duo qui voilà qu'on Eddie fait. Lewis, je connais pas. Ouais, Eddie Lewis, ah. Oh, Eddie Lewis, le plus grand joueur d'orgue français. Et donc, il a joué avec Petrucciani. Oui, ça s'est passé au Petit Montparnasse. Le morceau s'appelle Au Petit Jour. Mmh. Et c'est parti pour 6 minutes 58. Thank you. Termine en beauté avec des applaudissements. On se fait applaudir, c'est chouette. C'est chouette. Tu reviendras plus souvent, Francis. Je ne sais pas si c'est moi qu'on applaudissait, c'est plutôt vous. Voilà. Bon, bah, moi j'ai passé une bonne soirée. J'espère que vous aussi, chers auditeurs. Ouais, ouais. Vous pourrez nous retrouver mardi à 16h et puis samedi à minuit. C'est bien ça. Et puis en direct dans deux semaines avec toi Philou qui arrivera à exténuer. Oui, mais j'aurai peut-être plein de trucs que j'ai même pas écouté. Ça va être découverte en direct de tout un tas de choses absolument. Je vais au festival Aurore Montréal et il y a plein de concerts, de showcase. Aurore Boréal. Aurore Montréal. Montréal, c'est loin aussi. Ouais. Et il y a des showcases où les gens ils donnent plein de CD démos. D'accord. Mais bon, il y a... Et c'est à Paris, ça ? Oui, ouais, c'est à Paris. Montréal, c'est plus loin. Non, l'année dernière, j'avais vu des trucs excellents. Bien. Hein ? Bah ouais, c'est bien, tu vas nous ramener de la nouveauté. Peut-être. Ouais, peut-être. Bon, bah, ma foi, ciao, bye bye tout le monde, hein, et puis à dans deux semaines. Bye bye. Bye bye. Ciao.